n'aspire pas au plaisir. De bonne humeur sans explication, 14 tantôt sur le présent, tantôt sur le futur, 15 et les malheurs possibles de la vie, 16 le destin se rappelle brutalement, 17 la vie n'est pas là pour qu'on en jouisse, 18 brider son imagination, 20 il est inutile de laisser entrevoir sa colère. Chose en son temps, 22 vivre de manière supportable, 23 l'art améliore ce que le hasard a proposé, 24 des images trompeuses d'un bonheur rêvé, 25 et si je perdais cela, 26 tenir en laisse nos envies, 27 contempler ceux qui vont plus mal, 28 avec la suppression du besoin, le plaisir s'estompe, 29 la richesse est facile à acquérir, 30 faire des efforts et combattre en résistant, 31 c'est l'inverse qu'il se passe, 32 exclusivement sur la santé, 33 par l'intuition sensible.